Activité 2, page 70. Piste 53. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai mal aux pieds, maman. Tu joues au football, n'est-ce pas ? Oui, maman. Laisse-moi voir. Tu as mal aux jambes aussi ? Non, maman. Mais j'ai très mal aux pieds. Nous allons chez le médecin.